Le corps, déjà grandement délabré et souillé de sang grumelé, se tenait droit devant les yeux des spectateurs. Sur sa tête, avec la gueule rouge dilatée et l'œil unique flamboyant, était perchée la hideuse bête dont l'astuce m'avait induit à l'assassinat et dont la voix révélatrice m'avait livré au bourreau. J'avais muré le monstre dans la tombe. Et voilà qui met fin à cette émission. Merci à Victoria pour avoir si bien rendu ce texte. Je rappelle que Victoria dirige également un blog consacré aux livres audio gratuits. Vous le trouverez à victoria-aufildeslectures.blogspot.com. Vous trouverez l'intégrale de Le Chat Noir d'Edgar Allan Poe sur audiocité.net. Merci de votre attention. À bientôt.